الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Continue la lecture du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam, un livre de Al-Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah et une explication de Sheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah. Lors du dernier cours, on avait entamé l'explication du hadith d'Abu Shuraih, le 214e hadith. Qui l'a récité? Qui l'a appris pour nous le réciter? Qui? À part Hassan. Soufiane. Qui l'a appris? Personne? Tafadhal Hassan. عن أبي شريح قويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي يا أيها الأمير أن أخبرك إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح فسمعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دم ولا يعضد بها الشجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم فإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال قلب أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة رواه البخاري ومسلم بالخاء المعجمة والواو المهملة قيل الخيانة والبلال وقيل التهمة وأصلها الشرع في سرقة الإبل قال الشاعر الخارب اللصو يحب الخارب أحسن بارك الله فيك. نظر الله امرأة سمع مقالتي فأوعاها وأداها كما سمعها. Prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'Allah illumine le visage de celui qui entend ma parole, la comprend et la restitue comme il l'a entendu. طيب, lors du dernier cours, on avait expliqué les termes qui méritaient explication. ثم قال الشارح رحمه الله المعنى الإجمالي لما أراد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق أن يجهز جيشا إلى مكة المكرمة وهو يومئذ أمير لزيد بن معاوية على المدينة المنورة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما جاءه أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي لينصحه عن ذلك ولكون المنصوح كبيرا في نفسه تلطف أبو شريح معه في الخطاب حكمة منه ورشدا ليكون أدعى إلى قبول النصيحة وسلامة العاقبة فاستأذنه ليلقي إليه نصيحة في شأن بعثه الذي هو ساع فيه وأخبره أنه متأكد من صحة هذا الحديث الذي سيلقيه عليه وواثق من صدقه إذ قد سمعته أذناه ووعاه قلبه وأبصرته عيناه حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له عمرو بن سعيد في الكلام فقال أبو شريح إن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة فتح مكة حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي عريقة بالتعظيم والتقديس ولم يحرمها الناس كتحريم الحمى المؤقت والمراعي والمياه وإنما الله الذي تولى تحريمها ليكون أعظم وأبلغ فإذا كان تحريمها قديما ومن الله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إن كان يحافظ على إيمانه أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال يوم الفتح فقولوا إنك لست كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أذن له ولم يؤذن لك على أنه لم يحل القتال بها دائما وإنما هي ساعة من نهار بقدر تلك الحاجة وقد عادت حرمتها كما كانت فليبلغ الشاهد الغائب لهذا بلغتك أيها الأمير لكوني شاهدا هذا الكلام صبيحة الفتح وأنت لم تشهده فقال الناس لأبي شريح بماذا أجابك عمرو فقال أجابني بقوله أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بخربة وهي محاولة منه باطلة فإنه متوجه لقتال من هو أفضل منه وأولى بالخلافة وقد سلط عليه عبد الملك ابن مروان فقد قتله غدرا صبرا وقد هزم جيشه وقتل أميره عليه وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. Donc ici Cheikh Al-Bassam rahimahullah cite le sens général de ce athar et de ce hadith. Lorsque Amr ibn Sa'id ibn al-As, qui est connu par Al-Ashdaq, lorsqu'il a préparé une armée qu'il allait envoyer à la Mecque, et à cette époque, Amr ibn al-As était l'émir de Yazid ibn Muawiyah à Médine. Amr ibn al-As, Amr ibn Sa'id, Ibn al-As a préparé une armée, donc il se trouvait à Médine, il a préparé une armée qu'il allait envoyer pour combattre qui ? Combattre Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Zubayr qui est un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qui était la mère de Abdullah ibn Zubayr ? أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير était marié à أسماء بنت أبي بكر عفوا الزبير بن العوام était marié à أسماء بنت أبي بكر Az-Zubayr ibn al-Awam, qui était sa tante? Non. C'était Khadija. Khadija ibn al-Walid. Donc Khadija était la grand-tante de Abdullah ibn Zubayr. Non? Khouaylid. Non, ماذا قلت? Là, ibn Khouaylid. Afwan. طيب. Et Aïcha, du coup, était qui vis-à-vis de Abdullah ibn Zubayr? Si la mère de Abdullah ibn Zubayr, c'est Asma bint Abi Bakr, Aïcha, c'est sa tante. Donc voici ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Amr ibn Sa'id a voulu combattre et vers qui il envoie une armée. Abu Shuraih Khuwaylid ibn Amr al-Khuza'i est alors parti voir cet émir de Médine, Amr ibn Sa'id, afin de le conseiller. Afin de le conseiller et en espérant qu'après son conseil, cet émir renoncera à envoyer une armée pour combattre un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que celui qu'il allait conseiller est un notable et l'émir de Médine, eh bien Abu Shuraih radiallahu anhu a utiliser la douceur et la sagesse dans sa façon de s'adresser, afin que l'émir, que Amr ibn Sa'id, accepte son conseil et que la finalité soit bonne. Il lui a donc alors demandé l'autorisation. إذن لي أيها الأمير. Il lui a demandé l'autorisation de le conseiller au sujet de cette armée qu'il est en train d'envoyer à la Mecque. Et Abu Shuraih informe Amr ibn Sa'id qu'il est persuadé de l'authenticité des paroles qu'il va lui adresser. Car ces paroles, il les a entendues de ses propres oreilles. Et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a parfaitement comprises. Et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait ces paroles. Amr ibn Sa'id a alors donné l'autorisation à Abu Shuraih de parler. Abu Shuraih a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le matin de la victoire de la Mecque et de l'ouverture de la Mecque, a pris la parole, a loué Allah subhanahu wa ta'ala et a fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis a dit, la Mecque, Allah azawajal l'a rendue sacrée le jour où il a créé les cieux et la terre. C'est donc une ville qui est sacrée, qui est ancienne et ancrée dans ce caractère sacré. Autrement dit, que ce n'est pas une ville nouvellement sacrée, mais qu'elle est sacrée depuis qu'Allah Azzawajal a créé les cieux et la terre. Et on l'a vu dans les hadiths précédents, que comment réunir cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la Mecque, إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. Et l'autre hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم dit إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. Je rends sacré Médine comme Ibrahim a rendu sacré la Mecque. On avait dit que l'on réunissait ces deux hadiths en disant que la Mecque, Allah عز وجل l'a a considéré cette terre sacrée et a décrété cette terre sacrée le jour où il a créé les cieux et la terre, mais que c'est Ibrahim alayhi salam qui en a informé les gens et qui a transmis ce caractère sacré de la Mecque à l'humanité. وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسِ. Cette ville, c'est Allah Azzawajal qui l'a rendue sacrée, ce ne sont pas les gens qui l'ont sacralisée. كَتَحْرِيمِ الْحِمَى الْمُوَقَّتِ وَالْمَرَاعِ وَالْمِيَاهِ. Et Al-Hima qui serait dans le sens de choses délimitées. Une propriété privée, et cette propriété privée peut être un troupeau, peut être une eau. وَإِنَّمَا اللَّهُ الَّذِي تَوَلَّ تَحْرِيمَهَا. Donc la Mecque, ce n'est pas les gens qui l'ont rendue sacrée, mais c'est Allah Azzawajal qui l'a rendu sacré. Et ceci, pour que ceci soit plus prononcé et pour que ceci soit plus important. Car une terre rendue sacrée par les gens et une terre rendue sacrée par Allah, celle rendue sacrée par Allah est beaucoup plus importante et a beaucoup plus de valeur. Donc, la Mecque est une ville qui est sacrée de par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc interdit à quiconque, à toute personne qui croit en Allah et au jour dernier, si cette personne veut préserver sa foi, de faire couler le sang à la Mecque, ou bien d'y arracher un arbre. Et si une personne fait cela, notamment fait couler le sang à la Mecque, en prétextant le fait qu'il a été autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de tuer à la Mecque le jour de Al-Fath, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de lui répondre que tu n'es pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette autorisation et cette dérogation a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne t'a pas été donné à toi. Ceci, ajouté à ceci, le fait que le combat a été autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, non pas de façon continuelle et perpétuelle, mais uniquement un laps de temps de la journée. Et ce laps de temps, on l'a vu lors du dernier cours, c'est entre le lever du soleil et la prière de l'Asr. Donc c'est uniquement dans ce laps de temps qu'Allah Azzawajal a autorisé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre à la Mecque dans le but de la conquérir. بِقَدْرِ تِلْكَ الْحَاجَةِ. Pour pouvoir accomplir ce besoin. Puis, la Mecque est redevenue sacrée après ce laps de temps comme elle l'était auparavant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons, à ceux qui sont présents, de transmettre cette information à ceux qui sont à ceux qui sont absents. Et Abu Shuraih a dit, en s'adressant à Amr ibn Sa'id, et c'est pour cela que je te le transmets au gouverneur, car j'étais présent lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, or toi, tu n'étais pas présent. Les gens ont donc demandé à Abu Shuraih, et que t'a répondu Amr ibn Sa'id? C'est la question qui se pose de surcroît, à savoir, lorsque tu lui as prodigué ses conseils, et lorsque tu lui as fait transmettre ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle a été sa réponse? Il a répondu à Abu Shuraih, il m'a répondu, je connais mieux que toi cela, ô Abu Shuraih. Mais la terre sacrée ne protège pas un désobéissant, ni ne protège pas celui qui se sauve après avoir volé. Et ceci est une réponse qui est fausse de la part de Amr ibn Sa'id. Car il s'apprêtait à tuer et à combattre une personne qui était meilleure que lui et qui méritait mieux que lui d'être le gouverneur de Médine, à savoir Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu. Et quant à Amr ibn Sa'id, le Cheikh al-Bassam nous dit qu'il a au final été tué par Abdul Malik ibn Marwan, qui a succédé à son père, et il l'a tué après l'avoir emprisonné. Et quant à l'armée que Amr ibn Sa'id a envoyée à la Mecque, eh bien, elle a été vaincue, et celui qui était à sa tête, et Amr ibn Sa'id, a mis à la tête de cette armée qu'il a envoyée à la Mecque, il a mis à sa tête le frère de Abdullah ibn Zubayr. Car il y avait entre les deux frères des malentendus et des discordes. Et donc, Amr ibn Sa'id a mis à la tête de cette armée qu'il a envoyée à la Mecque pour tuer Abdullah ibn et pour combattre Abdullah ibn Zubayr. Il a mis à la tête de cette armée le frère de Abdullah ibn Zubayr, qui finalement a été tué également. Et les détails de cela seront stipulés et cités lors du prochain cours, inshallah ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك